Pour les coins, je fais la recette de ma grand-mère, quoi, qui est je fais la meilleure pâte de coin du monde. Alors, vous pouvez me donner la recette ou c'est un secret? Oh, c'est pas un secret, mais c'est un truc, mais personne ne l'a fait comme ça, quoi. Alors, allez-y. Eh bien, il faut, quand on a ramassé les coins, alors, il faut qu'ils soient bien mûrs et bien jaunes, pas les coins verts, c'est pas intéressant. On prend un chiffon un peu grossier, humide, on les essuie bien, pour qu'il ne reste pas de peluche dessus, quoi, sinon c'est immangeable. Et après, on les met dans une bassine qu'on recouvre d'eau, et là, on porte à ébullition, et quand ils se fendent, quand ils commencent à se fendre, on les prend avec une fourchette, on les met sur une planche, on trie jusqu'au trognon, on enlève tout, et ça, on le passe à la moulinette, moulée à légumes, quoi. Et on garde les trognons pour faire la gelée. Et après ça, on ajoute poids par poids de sucre. Bon, moi, je mets 3/4 de sucre parce que je ne fais pas pour le garder, je fais pour la manger assez vite. Et on fait cuire jusqu'à ce qu'elle se ramasse, quoi. Alors que la plupart des gens, ils épluchent les coins. Alors que non, là, ils n'épluchent pas, quoi. Et vous rajoutez rien dans la pâte? Non, rien du Vous tout. mettez pas de vanille ou de... Jamais de la vie. Jamais de la vie. Pas de coin, malheureusement. Vous mettez du sucre. Oui, du sucre uniquement. Hein.